Oh Ève, Ève, mon petit, te souviens-tu du paradis? Un dieu nous y gavait d'oranges et de cerises, mais une pomme un jour provoqua son courroux et nous voilà dehors sans même une valise. Sous l'orage et l'éclair, marchant droit devant nous. Oh Ève, Ève, mon petit, te souviens-tu du paradis? On cherchait un abri sous l'orage qui cogne. Le ciel pleuvait des larmes, tu pleurais de la pluie. Pas l'ombre d'un palais, pas même un hôtel borgne. Allons donc chez le diable. Il n'était pas chez lui. Oh Ève, Ève, mon petit, te souviens-tu du paradis? Des siècles ont passé et nous voici ce soir dans cette chambre obscure, sous un toit de Paris, avec le paradis au fond de la mémoire et des disques de jazz au pied de notre lit. Oh Ève, Ève, mon petit, te souviens-tu du paradis? Allons, viens près de moi, sans craindre de discorde. Le pommier de ton corps ne m'est plus interdit. Et si Dieu de nouveau défend et que j'y morde, laisse-moi le chasser de notre paradis. Oh Ève, Ève, Ève, Ève.